Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, musique populaire, une épopée française. Une série de Péroline Barbet réalisée par Nathalie Battus. Au départ de cette série, il y a cette chanson qui pour toujours sera celle de notre premier amour. L'été qui vient avec la fête de la musique et les groupes d'amateurs qui occupent le pavé ce soir-là. Mais il y a aussi le souhait de faire revivre de vieux airs qu'on aurait pu oublier, l'envie de savoir les chemins qu'ils ont pris et ceux que prendront les tubes d'aujourd'hui. Alors pour commencer les personnages, une autrice accordéoniste, une philosophe qui chante, un autre qui a un air dans la tête, une ancienne errante, des joyeux cornistes, un fils à la voix d'enfant, une veuve éplorée et un homme jukebox. Ensuite le décor, les rues, les rengaines dans la tête, des tubes, des refrains qui nous hantent, des souvenirs, des jours de fanfare, des reprises, un téléphone, des réappropriations, Dalida, Lady Gaga, Michael Jackson et Rihanna, et le plaisir de chanter à tue-tête. Aujourd'hui, 4e épisode, on fait la vaisselle en sifflotant. Hop, ça tourne. À la forêt de Saint-Germain. Je sais pas des fois ce que je souffle en fait. Je mélange souvent plusieurs chansons en même temps, c'est de la création. Non, si c'est... Quand vient la nuit... Non, c'est pas ça. C'est Johnny. C'est Johnny. Si, si, c'était... Voilà, ça se peut, c'est un petit mélange de ça, retient la nuit. Voilà. Et toi, tu chantonnes beaucoup ? Ouais. Mais je crois que c'est ça aussi qui me passionne dans la chanson, c'est que justement ça rentre dans les vies des gens, mais c'est comme si c'était, on avait ça dans le sang, quoi. Même les gens qui chantent mal, pas juste, enfin. T'as déjà entendu quelqu'un qui te disait qu'il n'avait jamais fredonné ou chantonné ? Ça n'existe pas, je crois. Ça accompagne la vie, mais que ce soit dans la joie d'ailleurs ou la douleur, mais des trucs qui te rentrent dans les oreilles, quoi. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il ressort. Et c'est pour moi le seul art, vraiment, qui s'inscrit dans la peau, enfin des gens, tu vois, dans le quotidien, quoi. Musique populaire sous influence. La pop est-elle populaire ? Par Péroline Barbet et Nathalie Battus. En laissant mon nom dans les rues, j'ai mis mon bonheur par-dessus, à ma manière. Moi j'aime les chansons qui s'inscrivent en nous, tout simplement. Claudine Lebeg, écrivain. Leur chemin, pour moi, c'est mes préférés. Mais après, tu sais, c'est intellectuel, enfin, c'est ce que dit la chanson, de comment c'est écrit, etc. Alors, t'as des préférences. Mais là, justement, moi, ce que mon corps, il me dit, ce que ma mémoire me rappelle, c'est juste des sensations. Et du coup, c'est elle qui me balance, ces fameuses chansons que j'ai pas choisies. Et je me dis, bah, c'est elle qui a le plus de poids sur ma vie, en fait, sur moi. C'est elle, enfin, qui font l'essence, je trouve, même de la chanson. Pour moi, la chanson, c'est ça, quoi. C'est la chanson malgré toi, la chanson qui s'inscrit en toi et qui fait son chemin et qui t'accompagne. Ma préférée, Dalida. Ah si, ouais, bah y en a une qui est assez peu connue, en fait, qu'elle chantait, qui s'appelle « À ma manière ». Tu connais ça ? Ah mais attends, elle est dure à chanter a cappella, celle-là. Je sais pas si je vais y arriver. On la mettra pas si... Hein, d'accord. Ça fait... Avec des faux pas, des faux plis, chacun de nous porte sa vie à sa manière. quand on est beau au fond de soi, un jour ou l'autre quelqu'un nous voit à sa manière. Même sous la pluie des mauvais jours, j'ai suivi ma ligne d'amour à ma manière. Pour tous les chagrins que je traîne, j'ai mis mon cœur en quarantaine à ma manière. À quoi sert une chanson? Ça sert à peu près à la même chose que toutes les formes de représentation du monde, toutes les œuvres, un dessin sert à exprimer une vision. Et ben une chanson, pour moi, ça sert à ça aussi, à exprimer une vision, mais qui passe par peut-être une adresse. Agnès Guéraud, chanteuse et philosophe. C'est-à-dire, c'est une vision que l'on adresse à quelqu'un. Il y a vraiment ça dans la chanson. Il y a beaucoup de chansons qui disent « je et tu » ou qui définissent la personne qui chante « I am an eagle »,« I am an antichrist ». Donc, il y a cette... ça sert, évidemment, comme une œuvre d'art à des choses qu'on ne peut pas définir, justement, parce que si c'était simplement un ustensile, eh ben, ça serait autre chose qu'une chanson, ce serait une fourchette, par exemple. Mais ça sert aussi, si on cherche un rôle anthropologique, et, je ne peux pas répondre à cette question en une phrase, mais à mon sens, il y a cet enjeu de l'adresse, de dire quelque chose à quelqu'un, mais via cet objet détourné qu'est la chanson. Quand ils ne font pas rire, qui sont dans trop de films, de chansons et de livres, je voudrais vous les dire. En tant que compositrice, enfin, en tant qu'auteur de chansons, je sens bien que si je pars dans quelque chose qui va être enfermé sur soi, je vais avoir des difficultés à interpréter le morceau en public. Je vais peut-être pas avoir de difficultés à l'enregistrer, je peux dire « le ciel est bleu », voilà, c'est ça mon texte. Ça, je peux le dire longuement et faire une amorce de chansons avec ça ou enregistrer de la musique avec ça. Mais au moment où ça va être une chanson, il va falloir quand même un petit peu rendre ce ciel bleu, faire que ce ciel bleu soit quelque chose qui soit un message adressé à quelqu'un. Il va falloir l'adresser, ce ciel bleu. Il va falloir qu'il me fasse penser à toi. Il va falloir qu'il me fasse penser à la couleur de tes yeux, qui me renvoie à quelque chose qui est partagé et que je peux, voilà, qui dessine la figure de quelqu'un d'autre. Mais il me semble que voilà, la chanson, c'est difficile de dégager une chanson populaire où il n'y aurait pas de toi. Et une chose qui est frappante au XXe siècle, dans la musique populaire enregistrée, pour le coup, et la musique du monde industrialisé, du monde où il y a énormément de techniques de communication, et notamment le téléphone, c'est qu'il y a beaucoup de chansons qui parlent du téléphone, qui utilisent le téléphone comme une manière, voilà, de mettre en abîme un peu cette logique de l'adresse dans la chanson. Donc, je sais pas, tout le monde connaît Stevie Wonder, hein. « I just call to say I love you ». Et donc, il y a vraiment l'idée que je t'appelle pour te dire que j'aime. Mais bien sûr, ce message doit rester sur répondeur, parce que sinon, il n'y a pas de chanson. Donc, il ne faut pas décrocher. Et je finis par me dire, en fait, au fond, une chanson, c'est un message laissé sur répondeur qu'on peut réécouter des milliers de fois et qu'il ne faut pas décrocher, justement. Il faut ne pas avoir décroché pour pouvoir écouter la chanson. Mais bon, il y a d'innombrables exemples. J'ai peur que tu sois sourd. J'ai peur que tu sois lâche. J'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime, peut-être. Crois un jour que tu m'aimes. Ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours, cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Peter Zandi, philosophe. Vous savez, il y a un des nombreux mots dans les différentes langues, dans celles auxquelles j'ai accès en tout cas, pour désigner les tubes. Un mot particulièrement intéressant, c'est le mot italien qu'on utilise pour les tubes, et c'est tormentone. Tormentone, ça veut dire littéralement grand tourment ou grande torture. C'est intéressant parce que c'est vraiment un mot très courant en italien. On peut vous demander, par exemple, pour dire est-ce que tu as entendu le dernier tube de l'été, on vous demande est-ce que vous avez entendu l'ultimo tormentone, voilà, le dernier grand tourment. Alors, ça en dit long quand même sur justement cette ambivalence, cette oscillation dans notre rapport au tube entre amour et haine. Pour moi, les tubes ont longtemps été un objet évidemment présent dans ma vie, comme dans la vie de tout le monde. Un peu, je dirais pas interdit, mais à ne pas trop considérer comme un objet d'étude sérieux. Ça vient probablement de mon éducation, la façon dont j'ai grandi plutôt environné de musique classique, ou comme on dit dans la culture dont je viens, c'est-à-dire la culture hongroise, il y a une expression, c'est la musique sérieuse. On appelle ça la musique sérieuse, la musique classique. Donc évidemment, tout ce qui est par opposition, les tubes, pour lesquels d'ailleurs il y a un joli mot en hongrois emprunté à l'allemand, on appelle ça Schlager, c'est le même mot qu'en allemand. Et ça veut dire, le verbe schlagen en allemand, ça veut dire frapper. Donc un tube, au fond, c'est quelque chose qui frappe, qui cogne, qui y a un côté insistance rythmique comme ça. Alors évidemment, les tubes, c'était pas un très bon objet, parce que c'est un peu une musique qu'on considère comme jetable presque, enfin qui ont des durées de vie, pense-t-on, courtes, qui méritent pas vraiment qu'on s'y attache, qui fluctuent comme ça au gré des saisons, de l'actualité, du hit parade, etc. Moi, j'y suis arrivé probablement parce que comme tout le monde, je suis habité par des chansons, par des tubes, qu'on le veuille ou non. On se réveille un matin, on prend sa douche et puis on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui nous trotte dans la tête et on n'arrive pas, même des fois parfois pendant toute une journée, on n'arrive pas à se le sortir de l'esprit. Et souvent, on arrive d'autant moins à se le sortir de l'esprit qu'on n'arrive pas à l'identifier. Le titre nous échappe, les paroles aussi. On se dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc qui continue à revenir en boucle, qui peut me gâcher la vie. D'ailleurs, ça peut rendre voilà, la concentration difficile, on n'arrive pas à penser à autre chose. Et j'ai commencé à prendre ce phénomène au sérieux. J'ai commencé à les aimer aussi, tout simplement, et à les accueillir, ces tubes, non seulement pour eux-mêmes, je veux dire par là, y compris les tubes que j'aime pas, il y en a qui sont horribles, qui sont insupportables, mais au fond, il y avait quelque chose quand même que j'aimais, précisément de leur caractère un peu indigne, comme ça, de rebut esthétique, un peu comme un objet pour chiffonnier, ou, voilà, donc j'aimais bien ça, ça m'intéressait. J'ai commencé à lire des choses, à me documenter, à m'intéresser aussi à ce qu'ils faisaient, à leur travail, pour ainsi dire, pas tellement sur le marché de la musique, mais à leur travail à l'intérieur de nous, à cette espèce de frayage ou la manière dont ils creusent dans la mémoire, dans les strates de notre mémoire, la manière dont ils s'installent, tout ce dont ils se chargent, tout ce dont ils se font les véhicules à l'intérieur de nous-mêmes. J'ai lu des études, certaines absolument passionnantes, des études comme celle d'un psychanalyste qui était un disciple de Freud, Theodor Reich, qui s'est beaucoup intéressé à ce phénomène qu'il appelait la mélodie obsédante. Enfin, c'est une expression allemande que je traduirais plutôt par la mélodie revenante, c'est-à-dire la mélodie qui revient sans cesse, nous hanter, un peu comme un fantôme. Il y a une puissance du tube, qui est difficile d'ailleurs à définir, pourquoi le tube est si puissant, pourquoi il a tant d'emprise sur notre mémoire et sur notre psyché en général. Donc il s'installe, il est là, on ne peut plus le déloger comme un hôte qui est pas forcément le bienvenu. Et puis pourtant on finit par l'aimer aussi parce que en tant que tube, en tant que mélodie comme ça qui se répète dans notre esprit, il se charge de beaucoup de souvenirs, par exemple, qu'on peut aimer, même si on n'aime pas forcément le tube lui-même. Le tube en question, la chanson en question, peut être chargée de souvenirs, et donc à chaque fois qu'elle revient dans notre mémoire, elle apporte avec elle ces souvenirs. Donc forcément, il y a une sorte d'amour pour ce dépôt de mémoire que la chanson devient. Donc on s'y attache comme on est attaché à notre propre passé, en fait, que la chanson finit par représenter. Et en même temps, cet incessant retour peut être horrible, dérangeant, gênant, on n'arrive plus à s'en débarrasser. En fait, quand j'étais petit à Lyon, ma mère me faisait chanter devant d'autres adultes, un peu comme Rosalito à la Voix d'Or, cette telenovela des années 60 à l'époque franquiste en Espagne. Et ma mère adorait cette émission. Du coup, je chantais Yves Montand pour faire pleurer les gens, entre guillemets. Ça marchait un peu. Et du coup, j'ai toujours en tête ces chansons et Les Feuilles Mortes, que j'aime bien chanter pour moi, toujours maintenant. Et puis, je chantais ça avec une voix complètement suraiguë. Et ce qui est drôle, c'est que je chante toujours avec une voix aiguë en étant adulte maintenant. Donc il y a toujours un truc de l'enfance que je lâche pas et que je suis prêt à lâcher, je pense. Mais le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson ta-da-da-dam, qui nous ressemble ta-da-da-da-dam. Toi tu m'aimais ta-da-da-da-dam, moi je t'aimais ta-da-da-dam. Nous vivions tout na-na-na-na, les deux ensemble ta-da-da-da-dam. Toi qui m'aimais, ta-da-da-da-da-dam, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. On l'écoutait beaucoup cette chanson à la maison parce qu'on a trouvé un lecteur vinyle pour 10 balles à l'époque dans la brocante où je chantais quand j'étais petit. Et on a commencé à recollectionner les vinyles qu'elle avait enfant. Et du coup, il y avait Yves Montand et puis Nana Mouskouri énormément aussi. Et du coup, elle la chantait. Elle chantait beaucoup le temps des cerises aussi, je me rappelle. Mais là, je peux pas la faire, je vais pleurer. Mais ouais, elle la chantait, ouais. Mmh. Elle, évidemment, elle me touchait énormément, mais elle avait une voix un peu brisée, très aiguë. Et du coup, c'était super touchant, ouais. Et en fait, elle avait toujours le truc en boucle, donc on mangeait toujours les mêmes choses. Et puis, on écoutait les mêmes choses. Donc tu vois, par exemple, c'était une cassette de Polnareff. C'était la cassette de Polnareff pendant des mois. Ma mère était un peu comme ça, dans des trucs très ancrés. Ou Michel Jonas, à fond. Et Michel Jonas, j'écoute plus étant adulte. Mais si tu me sors ça à la radio, ça va vraiment me faire un truc. La boîte de jazz, enfin. Et elle s'en servait comme d'exultoire ou pour s'enfoncer dans une forme de tristesse dominicale, comme moi je fais moi-même, tu vois. Mais moi j'ai mon smartphone, donc je le fais sur mon vélo, je le fais de manière complètement frénétique, ouais. J'écoute aussi les choses en boucle, ouais. Des fois je rigole, des fois je pleure, mais c'est vraiment lié aux émotions, ou des fois je suis énervé, puis je vais vraiment crier. C'est vraiment un exutoire total, quoi. Il n'y a pas une journée où je chante pas dans la rue, vraiment. Et jamais je me suis mis à chanter avec quelqu'un d'autre dans la rue. J'aimerais bien que ça arrive. Si vous avez des gens à me présenter. Que savons-nous et qu'aimons-nous chanter? Quelles chansons connaissons-nous par cœur? Notre mémoire à chansons marche-t-elle encore un peu? Demander une chanson à quelqu'un, c'est avoir l'intime conviction que tout le monde est détenteur d'un petit patrimoine singulier, que chanter, c'est comme respirer. Ça fait partie du béaba de la vie. C'est penser que la chanson n'est pas la propriété exclusive des professionnels, des médias de masse, et que tout le monde a quelque chose à partager en musique. A cappella, sans médiation, sans feuille de pompe, sans écran de substitution. La collecte, c'est ce geste qui montre comment les chansons, même les plus légères, même les plus anodines, même les plus commerciales, survivent parfois aux phénomènes de mode et nous travaillent de façon souterraine. Car les chansons pop, comme nos anciennes chansons traditionnelles, appartiennent aussi parfois au temps long, celui de la mémoire, des histoires collectives et des transmissions intergénérationnelles. Alors bien sûr, il y a une part de... On sait que le son, c'est extrêmement puissant pour intégrer des choses dans la mémoire des individus. C'est un puissant outil pour habiter la mémoire d'un autre. Il y a un roman de Georges Bester qui s'appelle « L'homme démoli », où les gens lisent par... son télépathe, et lui, il a commis un crime, et pour cacher son crime, il s'est mis en tête une chanson pour faire barrière. Et cette chanson, c'est très bien parce que c'est une rengaine, donc il s'en rappe, enfin, elle le hante, elle l'habite en fait malgré lui, quoi, presque. Donc c'est un excellent barrage télépathique parce que du coup, la chanson empêche les autres d'accéder à son esprit de criminel. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup étudié d'ailleurs par la science-fiction, le fait que le son, les earworms, les vers d'oreille, c'est quelque chose qui peut vraiment venir habiter l'esprit des auditeurs et des individus d'une manière extrêmement saisissante, extrêmement puissante, en tout cas efficace, et y compris du côté rythmique aussi. Quand on parle de à notre insu, vous vous rendez compte, vous allez chez Zara, tout à coup vous mettez à sillonner les rayons avec une espèce de rythme comme ça, et ça c'est la musique qui l'induit. Il y a une musique qui est toujours beaucoup trop forte dans ces magasins, qui est là en fait pour vous faire agir d'une certaine manière. Donc la musique, c'est puissant sur nos corps, c'est puissant sur nos mémoires. Donc il est clair que il y a énormément de choses qui se jouent à notre insu. Alors, à notre insu, il faudrait définir en termes purement psychiques, en tout cas en termes de subconscient. C'est pas forcément purement inconscient, c'est conscient, mais c'est subconscient. Et c'est là que la musique nous travaille et qu'en effet, on va se mettre à se rappeler d'un truc, ou en tant que compositeur, on va se mettre à trouver une mélodie, à la trouver super, et on se rend compte qu'en fait, on vient de la piquer soit une chanson qu'on a entendue d'ailleurs chez Zara, soit même à l'oiseau qui est en train de chanter à côté et qui est en train de faire deux notes depuis tout à l'heure, mais on n'avait pas remarqué. Donc c'est pas simplement la musique enregistrée qui fait ça, c'est aussi tous les sons qui agissent sur nous d'une manière très subtile et subconsciente. Ensuite, moi j'ai un souvenir de l'année où il y a le morceau de Rihanna, la Diamond, qui était sorti, et je le trouvais insupportable au début. Et effectivement, il a été matraqué tellement de fois que j'ai fini par lui trouver de l'intérêt. C'est ça qui est fou, c'est qu'au début, j'ai aucun intérêt, et puis hop, on réécoute, et puis finalement, ce plaisir de la mémorisation, ou de la remémorisation, ou de ce que j'entends et qui fait tilt avec ma mémoire, ce qui converge tout à coup avec ma mémoire, c'est un plaisir, c'est un véritable, et c'est un plaisir sur lequel jouent la musique populaire et les tubes. Ça, là, j'ai un petit peu l'impression que quelque chose s'est passé à mon insu, puisque j'ai été travaillée mentalement au point de finir par être hanté comme ça, habité par ce morceau de Rihanna, et je finissais par sortir des magasins où je l'entendais sans cesse en chantant « Shine right like a diamond » en essayant d'imiter cette espèce de façon qu'elle a de le dire, qui en effet est assez extraordinaire. On dirait qu'elle envoie des petits missiles à chaque dentale, donc là « Shine right like a diamond », ça c'est hyper rythmique tout à coup, alors que la métaphore elle est nulle, briller comme un diamant, enfin merci quoi, on aurait pu trouver un truc plus original, mais voilà, ça se joue là encore sur cette singularité particulière de sa manière de chanter la chose et d'envoyer ces petites dentales comme ça là, dans notre oreille, et là en effet elle se fixe. Alors à notre insu, d'accord, mais aussi ce qui est intéressant, c'est de voir comment le subconscient remonte à la conscience, et comment, moi, quelqu'un comme moi, tout à coup, je vais finir par l'aimer consciemment et me donner des raisons de l'aimer. Donc, c'est pas simplement de l'inconscience. C'est aussi une nouvelle réflexivité qui est rendue possible par cette mémorisation. Une conscience accrue de ce qui se passe dans la musique. La fanfare La Pustule a été créée il y a 27 ans par un groupe d'amis issus de l'école centrale de Lyon. La fantasque et pantagruélique fanfare joue encore et fait sonner ses mélodies à la fête de la grenouille, au défilé des conscrits et sur les berges du Rhône. Moi c'est PVR et mon instrument c'est le sous-bassophone. Moi c'est Patronne, je fais partie de la fanfare Pustule quasiment depuis le début. Alors je joue pas beaucoup. Je fais des petites percus, je chante et je fais un peu de trompette. et je saute partout. Et t'as beaucoup fait la manche. Et j'ai beaucoup fait la manche. Je suis arrivée à la fanfare comme ça, en fait. Je m'appelle Aiko, je joue du sous-bassophone. La fanfare Pustule, au début, c'était une histoire de 6 mois en attendant de trouver du boulot, quoi. D'accord. Pour sortir du PMU. Et ça fait 25 ans que ça dure. Voilà. Le dernier c'est morceau. La Begin de d'Henri Salvador, non? Oui, c'est un Henri Salvador. Un truc super moderne. C'est un clip à l'arrière, là. Alors on a Maladie d'amour. C'est ça. Dans les morceaux qu'on a montés, donc là on est en train de monter Maladie d'amour de Henri Salvador, qui est donc du coup. Mais après, là on a aussi monté Are You Gonna Be My Girl de Jet, un peu plus récent. Enfin, ça va vraiment de toute façon dépendre de ce que les arrangeurs ont envie de monter, de aussi ce que la fanfare aussi ont envie de jouer. Morceau de Bangles aussi. Ouais, de Bangles. Ça colle vraiment à notre répertoire traditionnel. Les Bangles, tu vois, c'est suffisamment vieux pour qu'il y ait une petite nostalgie et en même temps c'est péchu, c'est quand même c'est un peu indémodable. Dun, dun, dun, dun, dun. Ouais, c'est les grands tubes. Et donc, qu'est-ce que vous faites avec le tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Alors, ça, c'est les trompettes. Le et on le siffle à un moment donné. Ah. Ce qui fait un gros décalage de volume. Et d'ailleurs, des fois, le public croit que le morceau est fini. Alors qu'on essaye de souffler, ce qui en plus n'est pas évident quand on joue dans une embouchure de souffler juste après. Quand elle disait amour à leur nom, c'est très très drôle. Poker Face, alors, comment il est venu celui-là et comment vous y êtes pris pour en faire un air de fanfare? Eh ben écoute, c'est Hulk qui l'a arrangé et pour le coup, là, c'est un truc qu'il a fait dans son coin et puis un jour, il est arrivé avec un morceau de Lady Gaga. Alors moi, j'étais la première à dire non, mais ça va pas la tête. On va pas jouer du Lady Gaga, non, mais tu rigoles. Au bout de 4 répètes, je lui ai envoyé un mail d'excuses. En lui disant, mais alors, excuse-moi, ce morceau, il était fait pour la fanfare. Parce qu'en fait, il est super bien écrit. C'est une vraie musicos, donc c'est super bien écrit. Et ça a été facile à transposer en fanfare. Et il rend, avec des cuivres, il rend super bien. Voilà. Et c'est un de nos tubes, un vrai tube. Un gros succès. Un tube qui est devenu un de vos tubes. Voilà. On joue les morceaux connus, donc on nous aime pour ça. On jouerait des compositions à nous, on nous aimerait moins. On nous aime parce que les gens aiment ACDC, aiment Joe Dassin, aiment les vieilles valses. Donc on surfe quand même sur ce truc. Et puis le défi pour l'arrangeur est de le faire par des amateurs. Donc on ne peut pas écrire n'importe quoi, il faut que ça sorte. C'est-à-dire il faut qu'en 4 pets, il sonne un peu. Il faut que les gens prennent plaisir à le jouer. Donc il faut prendre soin de ça. Sur ce jeu de réécriture de paroles, ça me fait aussi penser à ce qu'a toujours été la chanson populaire, c'est-à-dire que on reprend un air et puis on le réécrit en fonction des usages et des circonstances. Enfin, vous vous inscrivez là dans une grande tradition d'oralité, de circulation de la musique, d'emprunt. Ben oui, ça rejoint presque les paillardes en fait, je trouve. Mais comme tout mariage français, on reprend toujours un morceau de Sardou en remettant des nouvelles paroles. Non, c'est une tradition qui dépasse la fanfare, je veux dire. Bon, ça se fait bien. J'aime bien le fait que reprendre le pouvoir sur ces tubes, enfin, dont on matraque à la radio, enfin, en l'occurrence, ça serait plus Radio Nostalgie, mais bien des grands médias nationaux qui nous attraquent de ce répertoire-là, c'est-à-dire on ne les vend pas ce répertoire, il existe avant nous. Et donc on le subit un peu, et du coup on peut reprendre la main, quoi. On se l'approprie, donc on le subit moins. Donc moi c'est vrai qu'en le jouant, ou en écrivant, ou en cherchant, écrivant la mélodie sur une partition, je l'extériorise un peu, il m'envoie moins, quoi. J'arrive à le... On a un relationnel quand même avec tous ces tubes très particuliers. Moi, mes parents tenaient un bar, il y avait un jukebox. J'écoutais tous ces trucs à longueur de journée. Et je les appréciais pas du tout à l'époque. Je pense que j'avais décidé que j'étais punk ou un truc comme ça, tu vois. Donc pour moi, c'était tout de la soupe. Mais je les connaissais quand même par cœur, parce que je les écoutais toute la journée. Et quand je suis arrivée à la fanfare et qu'on a commencé à jouer ces morceaux que j'avais méprisés quand j'étais ado rebelle, et ben ouais, ça m'a vraiment parlé. Je me suis dit, mais finalement, il y a une vraie musique derrière, il y a une vraie écriture, bon, même si les paroles elles sont un peu neuneux, quoi. Que moi je les ai redécouverts, je trouve ça génial. Et j'ai envie qu'il y en ait d'autres, quoi, qui se les réapproprient avec un côté plus nostalgique, plus. Peter Zendi. Moi, j'ai toujours été fasciné par les techniques d'appropriation en général, de la musique, quelle qu'elle soit, et des tubes en particulier. Alors, les techniques d'appropriation de la musique en général, c'est par excellence l'arrangement, l'adaptation. Et je crois qu'il y a dans toutes sortes de styles musicaux, dans toutes sortes de formations musicales, on pratique l'arrangement d'une manière que je trouve toujours étonnante et extraordinaire. Ça peut être des reprises, est-ce que je sais moi, en jazz par exemple, de tubes. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. C'est même la base du répertoire du jazz. C'est qu'on reprend des chansons, en tout cas très connues, de comédies musicales qui ont été des succès à un moment. Et puis on en fait autre chose. Ça peut être dans toutes sortes de pratiques amateurs. Comme professionnels d'ailleurs, les fanfares en sont un exemple, des chœurs, etc. Ou alors ça peut être tout simplement le karaoké. Le karaoké est une pratique d'appropriation que je trouve passionnante. C'est-à-dire en fait le simple fait de rejouer finalement, de rejouer ce qu'on a subi, parce que c'est quand même ça le tube. Le tube, c'est quelque chose à quoi on est exposé, qui s'inscrit parfois de manière violente, ou je dirais même violemment inconsciente, dans une mémoire involontaire. Le simple fait de le répéter, c'est-à-dire en fait de le choisir à un moment, c'est déjà énorme. Et ensuite, bien sûr, si on a des pratiques musicales, je dirais, plus inventives, avec toutes les inventions, les créations qu'on peut imaginer en termes de détournement, etc. Moi, j'en suis absolument un auditeur toujours étonné et toujours reconnaissant. J'aime bien We Don't Sound Anymore de Charlie Puth. C'est une chanson en anglais. Ouais. Tu pourrais nous la chanter ? Ouais. We don't sound anymore. We don't sound anymore. We don't sound anymore like me used to do. I was sent out of four. I was sent out of four. And you've sent out of four like me used to do. I was sent out of four and put like it. And start then to like me, sound to that to let her at you want. And said to that to send me to my soul with the shoe to watch your heart. Sound to with my soul, this on to my soul. I know I will give you time to dine. I just want you with my health. You just want you for. Like me, it is now. You're the one who wants to game. And if this is like my name, you just want to say, yeah. We don't sound anymore. We don't sound anymore. Je l'ai apprise parce que parfois sur YouTube, j'écoute des chansons. Et parfois, je tombe sur celle-là. Et j'ai commencé à bien l'aimer il y a 3 ans. Du coup, je l'ai continué à la chanter. Juste sur cette chanson, tu peux nous dire pourquoi tu l'aimes bien ? Parce que je comprends les paroles, et que c'est une belle chanson. Ça parle d'amour. Et du coup, j'aime bien. J'aime bien le son. Tout à l'heure, je prenais un verre avec un ami et il y avait le marché juste derrière moi. Il y a un monsieur qui écoutait le dernier PNL à fond sur son iPhone. Voilà. Donc, c'est ça aussi la façon dont la musique s'injecte tout le temps dans la vie. Et tout à coup, notre conversation, du coup, a été détournée. On s'est mis à parler de ce morceau. On s'est mis à parler du sample qui le constitue, de telle parole à un moment. Qu'est-ce qu'il dit, là? Il dit Himalaya. Ah oui, tu crois? Bon. Donc, pour moi, c'est très concret. Cette présence, c'est pas simplement l'idée que le tube nous évoquerait notre passé, notre enfance. C'est que les musiques populaires enregistrées, elles sont tout le temps là et elles nous envahissent à tel point que quand on aime la musique, on est parfois épuisé aussi de cette constance. Ensuite, il y a moi, je suis quelqu'un qui est tout le temps de la musique en tête. Il y a la bande son intérieure. Il y a ce qu'on a entendu et qu'on se rechante en marchant dans la rue. Donc ça aussi, c'est une autre forme de pénétration de la musique dans la vie. Alors pas seulement ordinaire, parce que parfois, voilà, on a tendance à dire musique populaire, vie ordinaire. Non, moi, ma vie pas ordinaire, elle est aussi travaillée par ces musiques, parce que je vais entendre un très beau morceau qui va continuer de me hanter et sans forcément que j'arrive d'ailleurs à vraiment le chanter. Je vais intérieurement. Après, il y a des choses qui me reviennent. Je sais que voilà, il y a une chanson de Camille qui s'appelle Prendre ta douleur, et il y a cette phrase que j'ai souvent en tête, voilà, qui m'est revenue en tête à un moment où il y avait une personne de ma famille qui était hospitalisée. Hein, il y avait ce truc où elle dit qu'est-ce qu'elle veut cette connasse, le beurre ou l'argent du beurre, que tu vives ou que tu meurs. Et elle parle de la douleur et tout ça là, on parlait de mémorisation tout à l'heure. Hein, qu'est-ce qu'elle veut cette connasse, c'est un truc, une fois que vous l'avez dans la bouche, vous avez un peu envie de le chanter tout le temps parce que c'est très rythmique en fait, c'est presque du hip-hop quoi. À ce moment-là, dans la chanson de Camille. Donc là, on est encore dans cette, on a encore une autre approche de la manière dont la chanson travaille, réinvestit des moments de vie. Là encore, pas ordinaire, puisque finalement, c'est des moments de grande inquiétude, enfin d'empathie pour une personne qu'on aime. Donc voilà, c'est une autre manière de voir comment la chanson éclaire et transforme une expérience, pas seulement quotidienne, mais simplement concrète, incarnée, humaine. Mais voilà, c'est pas... Évidemment, la musique, c'est un vaste champ, et ça peut parfois... Parfois, on a davantage besoin d'un morceau de Berg pour avoir ce sentiment. Et parfois, voilà, ça va passer par quelque chose qui est davantage passé à la radio qu'un morceau de Berg. Oui. C'est bon comme... Je m'appelle France, et comme j'ai épousé un monsieur qui s'appelait Gall, je m'appelle France Gall, et je ne chante pas comme elle, bien entendu. J'écoute très peu les chansons, parce que j'ai perdu mon époux il y a 20 ans, et justement, les chansons, ça parle beaucoup de vie ensemble, d'amour, et tout de suite, j'ai le cœur gros, et donc c'est pour ça que je préfère écouter la musique classique. Parce que la musique classique, c'est autre chose. Je n'ai pas la même émotion, pas stupide, mais une émotion naturelle, quand j'entends des chansons. C'est pour ça que j'en écoute pas beaucoup. Les chansons modernes, je n'écoute pas tout à la radio. La radio moderne, d'abord, les chansons de... Enfin, il y en a de très belles encore maintenant. Très, très belles. Non, il y en a de très belles maintenant encore. C'est bon? La mer... Qu'on voit danser le long des golfes bleus. Elle a bercé mon cœur, la mer a bercé mon cœur pour la vie. Là, c'est ça, je m'en rappelle très bien. Si je l'entends, tout revient. Mais comme ça, brûle pour point, c'est difficile. Hein. Vous me faites un exercice. J'ai bientôt 84 ans, donc il faut... Voilà. Je suis pas sûr qu'on puisse parler aujourd'hui de tube au même titre qu'on parlait de tube quand finalement le mot a été inventé. Le mot a été inventé par Boris Vian. Donc ça fait quand même on va dire, 2-3 générations. Et je dirais qu'entre-temps, les choses ont beaucoup changé. D'abord parce que on vit une époque où tout est partageable. Sur les réseaux sociaux, les gens peuvent partager, recommander, annoter, taguer, liker, ponctuer de toutes sortes de manières ce qu'ils écoutent. Donc on ne cesse de partager en fait tout ce qu'on écoute. Mais précisément et paradoxalement, je crois que c'est cette époque dans laquelle nous sommes où on partage des choses qui sont beaucoup plus fragmentaires, qui impliquent des durées d'écoute et de mémorisation qui sont plus courtes finalement, qui se réduisent parfois à une identification qui est presque de l'ordre d'une impression, d'un parfum sonore. Je pense à combien de gens qui sont capables d'entendre deux notes, juste le son, peut-être l'accord initial, l'attaque d'une chanson, d'une mélodie, qui vont vous dire « Ah ben ça c'est ça, ah oui ça c'est lui, ça c'est autre chose ». Et puis on va pas forcément écouter jusqu'au bout. Et surtout, ce qu'on partage au fond, c'est moins une structure complète apprise par cœur et en quelque sorte réciter, qui serait l'ancienne forme de la chanson qu'on va chanter ensemble et qu'on va faire circuler dans un espace social. Ce qu'on partage, c'est plutôt des impressions ou des identifications. Au fond, peut-être que la structure du tube aujourd'hui, ça serait plus de l'ordre du cliché qu'on regarde rapidement ou du cliché musical. Et puis, on l'identifie, mais on va pas forcément s'immerger dedans, pas forcément quelque chose qui se dépose dans une expérience partagée, ou peut-être moins. Voilà. Je voulais savoir s'il y avait une chanson que vous aimez particulièrement, que vous connaissez par cœur, et qui vous arrive de chanter avec vos amis, ou dans des occasions où on a chanté quelque chose. Oui, ça m'est déjà arrivé. On chante Gilbert Montagnier, mais je ne la connais pas par cœur. Après, je connais le refrain. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Ah, excusez-moi, je n'ai plus la suite. Vous êtes de la suite? En fait, j'habite Nice, mais aussi dans les villages. Il y a les hauteurs de Nice, dans les villages, on fait beaucoup de festins. Et du coup, le DJ passe souvent ce genre de musique et tout ça. Donc, quand j'étais petit, je la chantais souvent, mais là, j'ai perdu un peu. Qu'est-ce que t'as dans l'oreillette, par exemple, là, en ce moment? C'est de Booba, Jimmy. Donc Jimmy prend son revolver, surveille au jour le jour. Jimmy est arrivé en France croyant trouver liberté, égalité, mais en réalité, violente identité. Violence policière, il a tout de suite pigé qu'il fallait drinker des mères. Tu vas dire que Jésus, quittant l'autre jour, tirant son revolver, survit au jour le jour. Donc j'aime bien écouter au bord de la plage et tout ça sur la promenade des Anglais. C'est super. Pour prendre des risques, je t'en tire congénie. On l'a populaire, du point de vue du récepteur et non du producteur, c'est pas simplement l'idée d'être célèbre, mais c'est l'idée de travailler à une musique qui serait à la fois immédiate et pourtant qui nous ravirait artistiquement, qui serait singulière. C'est-à-dire que tout le monde pourrait être séduit par cette musique parce qu'elle a une dimension d'immédiateté et en même temps, ça ne veut pas dire qu'elle est facile à composer. Ça ne veut pas dire qu'en termes artistiques, elle est simple à faire. Et je crois que quand on fait de la pop et qu'on cherche à écrire un tube, on cherche à faire quelque chose qui est pourtant difficile à faire, mais qui est facile à entendre. C'est la promesse d'une musique comme ça qui serait immédiatement compréhensible, immédiatement, en tout cas, accessible dans sa puissance, dans son charme, et pourtant médiatisée, difficile, exigeante, profonde. Et je crois que les grands tubes, enfin c'est le casse-tête de n'importe quel musicien de pop, hein, c'est que, je sais pas, je pense à un super tube de Britney Spears, ça s'appelle Toxic, voilà. Bon bah Toxic, c'est hyper facile à entendre, mais c'est difficile à écrire. Ouais. tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il marche mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui lourde, ce serait normal. Balance ton corps. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton corps, un jour peut-être ça changera. Balance ton corps. Mainstream, ça veut juste dire le monde des succès industriels. Voilà. Et ce qui est à la fois tragique et magnifique dans la pop, c'est que la pop, elle vise ce monde des succès parce qu'elle vise... Elle vise l'immédiateté, elle vise la réconciliation, elle vise que, au fait que, par les mélodies qu'elle compose, tout le monde adhère. Et l'industrie, en fait, c'est... Comment dire ? Le populaire, c'est aussi le but de l'industrie. Mais l'industrie, elle veut aussi qu'une machine à laver soit populaire, elle veut aussi qu'une voiture soit populaire. Donc là, on a affaire à des œuvres musicales qui visent à la popularité, et il y a un effet d'aubaine pour des individus qui vendent des produits culturels, puisque quelque chose de populaire se vend plus que quelque chose qui ne l'est pas. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui se vend est mauvais. Je ne sais pas, Kate Bush, Wuthering Heights de Kate Bush, c'est un énorme succès. Bon, bah, c'est un chef-d'œuvre, cette chanson. Donc, chef-d'œuvre et succès ne sont pas contradictoires. C'est juste deux choses différentes qui peuvent se confondre dans un moment historique où une chanson voilà, va vendre énormément. Mais je trouve que c'est très important voilà, d'arriver à comprendre que le mainstream n'est qu'un nom, n'est que le nom d'un lieu qui est industriel en fait. Ça n'a pas de sens esthétiquement. Le paradis des tubes, c'est la version idéale, et le mainstream, c'est la version terrestre, si vous voulez. Et voilà, ils se rencontrent pas toujours. Hein. Il y a des tubes en puissance qui deviennent jamais mainstream. Mais on sent que tout le monde devrait adorer cette chanson. Sauf qu'il n'y avait pas les moyens industriels derrière pour la pousser, la matraquer, la faire connaître. Donc voilà, et heureusement que la pop se confond pas avec le mainstream et que c'est un immense territoire. Et pour moi, la pop, elle commence avec des morceaux sur YouTube avec 12 vues. Hein. C'est pas ça qui fait qu'un morceau est pop. Ce qui fait qu'un morceau est pop, c'est voilà, le fait qu'on passe par la musique enregistrée, le fait qu'on se réfère à d'autres morceaux de pop, le fait qu'on vise une certaine immédiateté ou qu'on s'y rapporte, mais on n'y réussit pas forcément. Et pourtant, on fait de la pop. Raconte Around the World de Daft Punk. Mais peut-être tout simplement, comme beaucoup de tubes, Around the World ne raconte que ça. Around the World. Je le dis volontairement de manière tautologique, c'est-à-dire de manière redondante. Je dis deux fois la même chose. Around the World raconte Around the World. Mais c'est ça que fait le tube, souvent. Around the World raconte le tour du monde, raconte que ce tube-là précisément a fait le tour du monde, va faire le tour du monde, il est en train de faire le tour du monde. Donc en se répétant, c'est ça qui est fascinant dans beaucoup de tubes, hein, beaucoup ont cette structure qui est particulièrement simple et pure dans Around the World, parce que c'est cette chanson qui est, d'ailleurs, est-ce que c'est une chanson, il y a des machines là-dedans, ça tourne, ça se répète, c'est des boucles, je ne sais pas si ça a exactement la structure d'une chanson. Avec refrain, couplet, enfin il faudrait réfléchir. Ce qui se passe dans, appelons la chanson quand même, ce qui se passe dans cette chanson, c'est au fond la mise en scène de sa propre répétition. Et cette mise en scène de sa propre répétition nous emporte dans la boucle. Et donc ça finit par être le récit de ce qui nous arrive avec la chanson. Donc cette chanson, elle fait le tour d'elle-même, puisqu'elle tourne et retourne sur elle-même. Elle fait le tour de nous, de notre mémoire, de notre esprit. Elle nous accompagne dans la vie, elle nous fait sans cesse revenir sur des moments passés. Et puis, elle tourne aussi en boucle sur les radios, dans les supermarchés, au café. Et puis, elle fait le tour du monde, parce qu'on l'a entendu partout. Donc, Around the World raconte ça, je crois. En fait, le tube raconte en fait sa propre banalité, mais aussi la façon dont cette banalité devient un véhicule pour la répétition. C'est précisément cette banalité qui lui permet de se charger de toutes sortes de contenus de mémoire et de les faire revenir en nous, puis de les faire oublier, puis de les faire revenir, puis de les faire oublier. Donc, les tubes, ça se répète partout. Mais en même temps, c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus subtil que ça n'en a l'air, parce que non seulement les tubes se répètent, mais si on les écoute bien, ils parlent de la répétition, et donc ils mettent en scène cette répétition. Ce qui explique peut-être à la fois leur puissance, ou la façon dont ils travaillent en tout cas, et puis ce qui les rend aussi beaucoup plus intéressants qu'ils n'en ont l'air, parce qu'ils sont au fond, ça j'y ai toujours cru, les tubes, en tant qu'objet répétitif, sont aussi déjà leur propre théorie et leur propre pensée. C'est-à-dire, au fond, il n'y a pas besoin de quelqu'un comme moi qui vient là expliquer, théoriser, les tubes font ceci ou cela. Si on les écoute bien, ils le font eux-mêmes. Voilà. Donc, il faut les écouter. Moi, j'ai une maladie, c'est que j'ai en permanence des chansons dans la tête. Et parfois, j'ai des chansons qui se déclenchent juste parce que je vois un mot, mais sans m'en rendre compte, sur une affiche de pub, par exemple. Et il y a un mot dedans, et à ce moment-là, hop, ça, après, j'ai une mélodie. Et je me dis, mais je comprends pas d'où ça vient. Et hop, c'est parce que j'ai vu ça. I don't want to talk about things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory, that's our destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, playing by the rules. The gods may throw dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. It's simple and it's plain, why should I complain? Bon voilà, après je vais pas toute la faire, mais voilà. The gods may throw dice. C'était Musique populaire sous influence, la pop est-elle populaire ? Avec Claudine Lebeg, Agnès Guéraud, Peter Zendi, Joël Desfrances, Heiko Willem, patronne et PVR pour la fanfare La Pustule, la fanfare Les Boules à Matari, Corto, Eliès, France Gall, Romane, Zélie et Antoine Lachan. Merci à Alexandre Rabot, merci à Aldo Prisu. Attaché de production, Marie-Vonne Abolivier. Coordination, Perrine Kervron. Mixage, Julien Douminc. Réalisation, Nathalie Battus. Un documentaire de Péroline Barbet.